بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد on va entamer aujourd'hui inchallah une série de cours qui seront très brefs bi'idhnillah durant que quelques minutes sur un sujet très important lié au droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet d'une grande importance que l'on va tenter de traiter de la manière la plus exhaustive qui soit, et ce en se basant sur ce livret intitulé « Haqq al-Nabi » sallallahu alayhi wa sallam, écrit par le Cheikh Abdullah ibn Abdelrahim al-Bukhari. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Dans la sourate Al-Imran, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, alors qu'il s'approchait du sens de sa parole, « Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous les bienfaits dont Allah vous a couverts alors que vous étiez ennemis et qu'il a uni vos cœurs et qu'ainsi, de par ses bienfaits, vous êtes devenus des frères. Alors que vous étiez au bord d'un précipice menant en enfer et qu'il vous en a sauvé. » C'est donc un grand bienfait dont Allah tabaraka wa ta'ala a couvert les membres de cette communauté, notamment du fait qu'il ait envoyé, suscité ce noble prophète qu'il a envoyé en tant que miséricorde pour l'ensemble des mondes et en tant que lumière par laquelle il a fait se distinguer le vrai du faux. Allah Jalla wa Ala a dit « Ya Ahl al-Kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. » قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant clairement bon nombre de choses que vous dissimuliez du livre, et passant outre face à bon nombre de choses. Une lumière et un livre explicite venant d'Allah sont certes venus à vous. L'imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari, qui est considéré comme étant l'imam des exégètes, a expliqué ce verset en disant « Il vise par la lumière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah a illuminé la vérité et fait apparaître l'islam et annihilé le polythéisme. Il est donc une lumière pour quiconque cherchera à éclairer la voie sur laquelle il chemine par lui. Et il a certes clairement exposé la vérité. » Ne disons pas que la vie avant l'avènement de la prophétie de Mohammed n'était que pénombre, car cela est connu de tout le monde. Ne disons pas non plus que l'injustice était répandue avant l'avènement de la prophétie de Mohammed, car personne n'ignore cela. Et ne disons pas non plus que le polythéisme était répandu sur terre avant l'avènement de sa prophétie, car cela tout le monde le sait également. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Muhammad, c'est la vérité qui s'est présentée avec Muhammad alayhi salat wa salam, et c'est le faux qui a été annihilé et anéanti. C'est la vraie vie avec laquelle le prophète alayhi salat wa salam s'est présenté, ainsi que la lumière et la bonne direction, de même que la justice et l'équité. Et par son biais, Allah tabaraka wa ta'ala a annihilé le polythéisme. On trouve dans le recueil authentique d'Al-Bukhari un récit relaté par Atta ibn Sa'ib qui a dit: j'ai rencontré Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma et je lui ai dit: informe-moi à propos de la description qui est faite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Il lui a demandé cela car Abdullah ibn Amr ibn al-As détenait un certain savoir relatif à la Torah. Et ce dernier lui a dit: d'accord, certes, il est décrit dans la Torah par certaines des descriptions qui en sont faites dans le Coran. Puis il cita: ô prophète, nous t'avons certes envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur, et symbole pour les illettrés. Tu es mon serviteur et tu es mon messager. Je t'ai nommé Al-Mutawakkil, c'est-à-dire celui qui place sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu n'es ni dur, ni rude, ni crieur dans les marchés. Et tu ne réponds pas au mal par le mal, mais tu pardonnes et es indulgent. Et Allah ne le reprendra pas avant qu'il n'ait, par son biais, rétabli la communauté déviante, et avant que les membres de cette dernière n'aient dit « La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah », et que par son biais, il ait ouvert des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. Voilà donc la description, ou une partie de la description qui a été faite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Et il faut savoir que l'avènement de la prophétie de Mohammed alayhi salat wa salam a été une source de lumière pour l'ensemble de l'humanité. At-Tirmidhi a recueilli dans son Jami', en qualifiant cette narration d'authentique, bien qu'elle soit insolite, que Anas a dit: le jour au cours duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, tout s'y est illuminé. Et lorsqu'il est décédé, tout s'y est assombri. Et alors que nos mains étaient en train de laisser le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions en train de l'enterrer, nous nous sommes mis à réprouver nos cœurs, dans le sens où ils ont été pris d'un grand sentiment de tristesse, d'un profond sentiment de tristesse. Jabir a relaté le fait suivant. Le prophète alayhi salatu wasalam avait pour habitude de dispenser son sermon le jour du vendredi auprès d'un tronc d'arbre ou d'un palmier. Il y a un homme ou une femme parmi les auxiliaires, c'est-à-dire les auxiliaires, ce sont ceux qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wasalam et les compagnons qui ont émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Ce sont les croyants médinois qui les ont accueillis. Et un homme ou une femme parmi eux a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, n'allons-nous pas te confectionner une chair? Le prophète alayhi salatu wasalam a répondu: si vous le voulez. C'est alors qu'ils lui ont confectionné une chair. Et lorsque le vendredi suivant est arrivé et qu'il s'est présenté pour donner son sermon, il a été orienté vers cette chair, le mimbar. Et c'est à ce moment-là que le palmier s'est mis à pousser le cri d'un nourrisson. Le prophète alayhi salatu wasalam est alors descendu de la chair et l'a serré contre lui Et c'est alors que le palmier s'est mis à pousser les gémissements d'un nourrisson que l'on est en train de bercer afin qu'il se calme. Le prophète alayhi salatu wasalam a alors dit, il pleurait à cause du fait qu'il craignait de ne plus entendre le rappel qu'il avait pour habitude d'entendre auprès de lui. Et ce hadith a été recueilli par Al-Bukhari dans son authentique. L'imam Al-Hassan Al-Basri disait, à propos de cette histoire, « Ô vous les musulmans, un morceau de bois soupirant par désir de rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à vous, vous devriez encore plus désirer cela. » Et on va s'en tenir à cela pour ce soir. Et nous continuerons donc avec en entrant dans le vif du sujet demain. Incha'Allah, Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alameen.